Voilà, c'était le groupe U2, je vais m'épargner le droit de redire le titre à rallonge des U2 sur RGM. Il est presque 8h40, on parle anniversaire. Il s'en est un 13 mars 1943, naissance d'André Téchiné, cinéaste français à qui l'on doit J'embrasse pas, Les Roseaux Sauvages, César du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, ou encore La Fille du RER. 1950, naissance de William Messy, acteur américain, vu dans Fargo, dans le rôle de Jerry Lundegaard. Jurassic Park 3 dans le rôle de Paul Kirby, la série télé Urgence dans le rôle du docteur David Morgenstern, ou encore la série Shameless dans le rôle de Frank Gallagher. 1956, naissance de Dana Delany, actrice américaine, vue dans la série China Beach dans le rôle de la nurse Colleen McMurphy, Desperate Housewives dans le rôle de Catherine Mayfair, ou encore Body of Proof dans le rôle de Megan Hunt. 1957, naissance de Jean-Yves Lafesse, humoriste, acteur français connu pour ses canulars téléphoniques ainsi que ses gags auprès des passants dans la rue. 1959, naissance de Pascal Légitimus, humoriste, acteur, réalisateur français, membre du groupe comique Les Inconnus. Vu dans Le téléphone sonne toujours deux fois, Les Trois Frères ainsi que Les Trois Frères Le Retour dans le rôle de Pascal Latour, Les Rois Mages où il incarne Gaspard, Madame Irma dans le rôle de Ludo, mince alors, vu à la télévision également dans les séries Cain, Scène de ménage, Munch et tout récemment dans la série H24, scénariste du film Le téléphone sonne toujours deux fois et réalisateur des Trois Frères Le Retour, co-réalisé avec Didier Bourdon et Bernard Campan. 1960, naissance d'Adam Clayton, musicien britannique, bassiste du groupe U2. 1967, naissance de Pascal Elbé, acteur français, vu dans Le Raid dans le rôle de Mathias Morin, Trois Amis dans le rôle de César, L'Emmerdeur, comme Les Cinq Doigts de la Main dans le rôle de Jonathan Ayoun, Sous les Jupes des Filles, Brillantissime, Just Gigolo, à la télévision dans Une Chance de Trop dans le rôle de Richard Mio, Baron Noir dans le rôle de Stéphane Torini, ou encore Les Bras Les Rouges dans le rôle de Yves. 1982, naissance d'Eduardo Savrin, cofondateur du réseau social Facebook. 1983, naissance de Doumams, rappeur français du groupe Section d'Assaut. 1984, naissance de Steve Darcy, ancien joueur de tennis belge, ayant fait carrière de 2003 à 2020. 16e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros, 32e de finaliste à Wimbledon et à l'US Open, deux fois finaliste en Coupe Davis en 2015 et 2017. 1985, naissance d'Emile Hirsch, acteur américain, vu dans Alpha Dog dans le rôle de Johnny Trulove, Into the Wild dans le rôle de Christopher McCandless, Harvey Milk dans le rôle de Cliff Jones, ou encore, et plus récemment, dans Once Upon a Time in Hollywood, où il incarne Jay Sebring. 1989, naissance de Pierre Niney, acteur français, vu dans Nos 18 ans dans le rôle de Loïc, LOL dans le rôle de Julien, 20 ans d'écart dans le rôle de Balthazar Apfel, Yves Saint Laurent dans le rôle d'Yves Saint Laurent, récompensé du César du meilleur acteur, La Promesse de l'Aube. Il sera à l'affiche en 2021 du film OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, et il fut pensionnaire de la Comédie française de 2010 à 2015. 1992, naissance de Kaya Scodelario, actrice et mannequin britannique, vue dans Le Choc des Titans. En 2011, dans Les Hauts de Hurlevent, dans le rôle de Catherine Hershno. Le labyrinthe La Terre Brûlée et le labyrinthe Le Remède Mortel, dans le rôle de Teresa Agnès, vue également dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, ou encore la série télé Skins, dans le rôle d'Elisabeth Beth Stonem, alias Effie. Et on termine les anniversaires en 1995 avec la naissance de Michaela Schifrin, skieuse alpine américaine, double championne olympique, quintuple championne du monde, seule skieuse de l'histoire à compter 4 titres mondiaux gagnés d'affilée dans une discipline, triple gagnante du classement général de la Coupe du Monde, record woman du nombre de premières places en slalom et de victoires en une saison sur le circuit mondial. Et hier, parmi toutes les informations du coronavirus, une autre information qui est passée un peu inaperçue tout de même, c'est le décès de la réalisatrice Toni Marshall, seule femme de l'histoire à avoir reçu le César du meilleur réalisateur. C'était pour le film Vénus Beauté Institut. Allez, tout de suite, on marque une nouvelle pause musicale avec le groupe Section d'Assaut et leur titre Ma Direction. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tiens juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du temps, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça te fait pour moi ce qui tout est la daronne. J'ai pété les plans. J'ai quitté l'école. Si seulement tu savais. Tout le mal que je garde. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus tout belle, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. J'ai fui les sonneries, les bruits de chaises. Moi chercher d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au remu, trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mif, les straves en guise de but. Freiné par les fils de pute. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait tous chez le blanc. Tu connais Bati Pro, Critzel Pro. J'écrivais dans le trauma avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans toute cette patience. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, patrie faible, malédiction. Dorénavant je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. Je me remémore les clashs, les concours de rappeurs Hesse. Dans la rue ça rappe en masse, ça peine d'aller na Hesse. Pour un 16 méga t'agresse, le kickage nous abaisse. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les flics ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds, donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses, mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarts me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant on fout dehors la Hesse, même si nos passes les berges. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stecker les stromons qui voulaient nous faire chavirer. Mais ça tape, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi baisse, mes vôtres sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, à peine tu le crapotes. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. Ah, fort le taf. Un bac pro ça paye pas. Avec les shrap pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons. J'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicides, déterminé, on part au fond sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils on ne vit que dehors. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qu'ils négligent, ben en plus que tort. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'OVNI. Je me dirige vers la gloire et les blèmes pro. La musique est une femme à problème, mais putain j'aime trop. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. T'es foutu si tu échoues dans ta situation. Foutu si tu échoues dans ta situation. Section d'assaut, ma direction sur le 107 FM, un peu plus de 8h48, on parle météo. La météo. Alors la météo d'aujourd'hui, eh bien, ce sera une journée ensoleillée avec tout de même des nuages, des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés pour cet après-midi. Pour ce week-end, eh bien, ce sera plutôt un week-end ensoleillé avec tout de même des nuages, des températures pour samedi entre 0 et 1 degré le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour samedi après-midi et pour dimanche, là aussi entre 0 et 1 degré le matin, entre 12 et 14 degrés prévu pour dimanche après-midi. Allez, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle sport et coronavirus également. On parle du biathlon avec l'étape de Kontiolahti. En Finlande, il devait y avoir du public. Les spectateurs avaient commencé à arriver sur le site jusqu'au moment où la décision a été prise que ce serait à huis clos. Les spectateurs ont dû donc faire demi-tour. Autre problème, c'est que l'événement ne doit pas dépasser les 500 personnes comme dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et il y a plus de 500 personnes accréditées pour donc, cette étape de Kontiolahti. Donc ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. En tout cas, le sprint, messieurs, a bien eu lieu sans les biathlètes américains, et le sprint féminin aura lieu également sans les biathlètes américaines, puisque tous les athlètes américains sont rentrés en urgence jeudi matin suite à l'annonce de Donald Trump de supprimer donc l'arrivée de tous les vols en provenance de l'Europe. Allez, on parle du sprint qui a été remporté par le Norvégien Johannes Bø. A noter que tous les Français ont tiré à 10 sur 10 sauf Antonin Guigona. Malheureusement, lui, il tire à 9 sur 10, ce qui est quand même un très bon résultat. Mais du coup, Antonin Guigona termine dernier Français sur ce sprint, mais tout de même à une très belle 15e place. Tout de même. Le premier Français, c'est Martin Fourcade. Il s'est classé 2e de ce sprint devant Émilien Jacquelin, 3e. Quentin Fillon-Maillet, 7e, Simon Détieu, 8e, Fabien Claude, 11e, Florent Claude, 29e. A noter que Martin Fourcade compte donc 19 points de retard sur Johannes Bø si on enlève les deux moins bonnes courses. Et la dernière course individuelle aura lieu samedi avec la poursuite à 13h45 pour les messieurs, puisque la dernière étape d'Oslo a été tout simplement annulé. Il y avait des solutions de repli qui étaient cherchées, mais voilà, c'est sûr. Depuis hier, 4h30, Kontiolahti sera la dernière étape de biathlon. Donc Martin Fourcade n'a plus qu'une seule course pour garder le dossard jaune et remporter le gros globe de cristal. Pour vous donner un avis, si Martin Fourcade remporte la poursuite et que Johannes Bø termine au-delà de la 4e place, le gros globe sera pour Martin Fourcade. Donc rendez-vous samedi 13h45, ça promet, surtout qu'en plus il y aura un autre combat puisque Émilien Jacquelin aura le dossard rouge de leader du classement de la poursuite. Il pourra remporter le petit globe de la poursuite. À noter que le petit globe du sprint est remporté par Martin Fourcade. Le sprint féminin, ce sera aujourd'hui 15h30. Samedi, je vous le disais, donc 13h45 la poursuite messieurs, 15h45 pour la poursuite féminine. Et dimanche, ce seront des relais. Le relais simple mixte à 13h15 et à 15h15, le relais mixte. Allez, on parle des compétitions annulées avec en ski alpin. L'étape de Gorenjska Gora en Slovénie a été annulée. La saison est donc terminée, ce qui a pour conséquence, le classement général est remporté par le Norvégien Alexander Kild, de juste devant Alexis Pinturo. À noter, Henrik Kristoffersen, Norvégien, lui aussi termine 3e, mais s'adjuge le petit globe du géant, 6 points devant Pinturo, et celui du slalom pour 2 petits points devant Clément Noël. Un mot de basket, à noter que toutes les compétitions internationales sont suspendues. La Fédération française de basket a suspendu tous ses championnats. Le Jet Vosges était déjà arrivé à Bordeaux et malheureusement les joueurs du Jet ont dû faire demi-tour. À noter que la NBA est suspendue pour 30 jours minimum. Des nouvelles de Rudy Gobert sur ses réseaux sociaux. Hier soir, il a posté un petit message. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont témoigné du soutien au cours des dernières 24 heures. Pas mal d'émotions m'ont traversé depuis mon diagnostic, principalement l'anxiété, la peur et même la honte par moment. Je souhaiterais d'abord m'excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J'ai manqué de discernement et le reconnais. J'espère que cette histoire pourra servir à en éviter d'autres en démontrant tout le sérieux qu'il nous faut adopter dans ces circonstances. Je suis actuellement entre de bonnes mains et tâcherai de me rétablir rapidement. Je vous encourage à faire tout le nécessaire pour préserver votre santé. Merci encore pour votre soutien. Bien à vous. vous, Rudy. Voilà donc pour le message du joueur français. Donc testé positif au coronavirus. Un mot de football avec la Fédération française de foot qui a suspendu toutes ses compétitions. La décision sera prise aujourd'hui en ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le match Juventus de Turin Olympique Lyonnais est reporté. On aura une réunion donc mardi pour le reste de la compétition. À noter que le coach d'Arsenal a été testé positif au coronavirus, ce qui engendre eh bien, la quarantaine du club d'Arsenal. Autre club en quarantaine, le club du Real Madrid en Espagne, et pour la partie foot mais également pour la partie basket, puisque c'est un cas qui a été détecté dans le club de basket. Un mot de handball, la Fédération française de handball suspend l'intégralité de ses compétitions. En Formule 1, le Grand Prix d'Australie est tout simplement annulé. Un cas de coronavirus a été détecté dans l'équipe McLaren. Bon, désolé pour la petite pub. Et en hockey sur glace, le HC a publié un message qui dit arrêt immédiat des entraînements jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et une info concernant les championnats d'Europe junior de biathlon. J'ai failli oublier. Et oui, sur le sprint, nouvelle médaille en chocolat pour Émilien Claude. Après la 4e place sur l'individuel, la 4e place sur le sprint. Bon, je crois que j'ai fait le tour sur l'actualité sportive avec toutes les compétitions annulées. Bon, à force, on n'aura plus grand-chose à dire dans la matinale. On verra bien ce que ça donne la semaine prochaine. En attendant, on va marquer une dernière pause musicale avec une nouveauté signée Katy Perry. Bon, elle l'a sortie il y a un peu plus d'une semaine. Je n'avais encore pas eu l'occasion de vous la faire écouter jusqu'à maintenant. Elle marque son retour. D'ailleurs, dans son clip, elle annonce sa grossesse. Et la chanson est pas mal. Voilà, enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, par exemple, sur nos réseaux sociaux. On s'écoute Katy Perry avec le titre Never One White. You love the hell out of me, and heaven's where we could be. I've stood on the edge of love, but never took the leap. And you took my armor off and did it delicately. And I let my guard down to show you it's underneath. Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayers. You asked the question, I said yes, but I'm scared. Cause I've never worn white, but I wanna get it right. Yeah, I really wanna try with you. No, I've never worn white, but I'm standing here tonight. Cause I really in 60 years with a full family tree. I do give my blood, sweat, and tears to reach your destiny. I do, cause love is a minefield. Let's take this walk, baby. I do, cause at the end of it all, I choose you and you choose me. Thank God I was woman enough to your father's prayers. You asked the question, I can tell you were scared. Cause I never won white, but I wanna get it right. Yeah, I really wanna try with you. No, I've never won white, but I'm standing. It's so easy to surrender when you finally find forever. Voilà, c'était le nouveau titre de Katy Perry, Never One White, sur RGM. Il est 9h passé de quelques secondes. On fait tout de suite un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, nous sommes vendredi à 9h30, ce sera durablement vôtre. À midi et demi, le rendez-vous avec les municipales 2020. À midi et demi, ce sera consacré à Madame Arnoux Carole de Saint-Étienne et Gagnante. Et à 13h, Monsieur Jeannot Arnaud de Saint-Amé en ensemble. À 14h, ce sera la rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. À 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin. Hein, on va se dire ça. Même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.